Tony et Herbe Attaque tous les mardis de 17h à 18h sur Radio Panique. Salut à tous. Salut à tous, salut Herbe Attaque. Content de retrouver Tortoli, content de te retrouver et content de vous retrouver chers auditeurs. Vous savez quel jour on est ? On est mardi 28 juin je crois. Et le 28 juin c'est quoi ? Bah, c'est le mardi, et le mardi c'est Tortoli et Herbe Attaque. Il est 17h passé d'une petite poussière, bon désolé pour le retard. Voilà, on prend le direct, ça s'appelle Tortoli Herbe Attaque, c'est sur le 105.4 à Bruxelles, c'est la fréquence musicale, moyenne fréquence, FM. FM ? Ouais, tu sais ce que ça voulait dire toi, FM ? Moi je l'ai appris formidable. Récemment. Formidable. Voilà. Sinon vous nous retrouvez aussi sur le www.radiopanique.org. Voilà, les présentations sont faites. Et aujourd'hui c'est une émission spéciale, enfin il y a du brosson, il y a du brosson, enfin brosson est au courant, voilà, vous savez quoi, on est de retour après un week-end de folie à Tour et Taxi. C'était le festival Couleur Café. C'était le festival Couleur Café qui s'est déroulé le 24, 25, 26 juin au site de Tour et Taxi à Bruxelles, parce qu'on parle de Bruxelles, Bruxelles, Belgium. Et voilà, on y était. Nous deux, plus quelques... On était pas grand monde, non, quoi. Non, pas vraiment nous deux, dizaine. Plus, ouais, une petite dizaine de milliers, quoi, tout simplement. Voilà. Et donc, bien évidemment, on a laissé traîner un petit micro là-bas, à droite, à gauche. Enfin, plus ou moins, on était entre Papa Foufou et Maman Foufou. Et Rue du Bien Manger aussi. Non, mais on était là pour recueillir les réactions de tout le public. Après chaque concert, des bénévoles, etc. Enfin, vous connaissez le concept. De toute façon, on avait fait une émission spéciale la semaine dernière. On vous avait déjà présenté l'affaire la semaine dernière. Voilà, et donc voilà, c'est le match retour, quoi. C'est le match retour. Voilà. Donc voilà, on a quelques montages à vous faire écouter. C'est le résultat de 3 jours de gros boulot. De boulot. On n'a pas chômé. Hein. C'est même ma tête de boulot. Ouais, je vois ça. L'homme boulot. L'homme travail. Et donc voilà, ça se passe à base de Alborosi, Kenny Arcana. Enfin, je vous fais pas le programme, mais c'est par là qu'on a traîné. Et puis on vous a chopé, vos réactions. On vous remet dans l'ambiance et ça va commencer juste sur la grande scène, la scène univers où Alborosi est passé dimanche soir. Alborosi, King of the Dance Soul, from Italia, from Jamaïque. Avec l'accent français. With my, Jamaican accent. Et voilà, ça va commencer comme ça. Et puis on vous enchaîne, plein de sessions. On vous dit pas. On va voyager. On vous bande les yeux et on vous tient par la main. C'est parti. Ça commence par un petit report sur Alborosi. Voilà. Qu'est-ce qui se passe, Tortoli? Tu bouges pas, Seth, tu bouges pas, Seth. Tortoli, muscle ton jeu. Tortoli. Pas de problème, tu viens, provocation, tu emmerdes les tacs. Muscle ton jeu. Tortoli. Muscle ton jeu. Tortoli. Si tu muscles pas ton jeu, fais attention. Je t'assure, tu vas voir. Tu vas avoir des déconvenues parce que t'es trop gentil. Stereo music power. Give me the dip. Tell policeman to move on galant. Camilla on me one ganja plant. Listen to the general. No touch no artificial. Tell policeman to move on galant. Camilla on me one ganja plant. Zungu zungu zen zen. Zungu zungu zen zen. Get me ganja in a the great Camilla from. I'm a hype up, I tell them I'm the head of. bicycle. Put it on the Cessna, make we send it up a Aspen. Put it in the sunny drive and carry straight up. Camilla, we sing what a sweet ganja. And in Jamaica, we good. Camilla, we good. Listen to the general. Camilla, no touch no artificial. Camilla, tell policeman to move on galant. Camilla, I'm a one ganja plant. Camilla, listen to the general. Camilla, no touch no artificial. Camilla, tell policeman to move on galant. Camilla, I'm a one ganja plant. Camilla, listen to the general. Camilla, no touch no artificial. Camilla, tell policeman to move on galant. Camilla, I'm a one ganja plant. Camilla, listen to the general. Touch no artificial. Tell policeman to move on galant. Camilla, I'm a one ganja plant. Grandma, you just drink the Camilla tea. The world famous Camilla tea. It's good for you. It's good for me. Listen to the general. Camilla, no touch no artificial. Camilla, tell policeman to move on galant. Camilla, I'm a one ganja plant. Camilla, listen to the general. Camilla, no touch no artificial. Camilla, tell policeman to move on galant. Camilla, I'm a one ganja plant. Listen to the general. Qui êtes-vous? Ah. Qui êtes-vous? Ah. Je me présente, je m'appelle Tortoli. Je suis pas mongolien, je suis sourd, il peut rien. Et ça te fait pas de la peine? C'est possible, mais toutes les télés ont parlé de cette histoire. Et je ne suis pas tout seul. Ah, vous êtes plusieurs? Deux. C'est un début. Je m'appelle Arbatax. Je fais partie du FBI. Comme par hasard. Je suis quand même pas plus con que tous ces imbéciles. Nous sommes Tortoli et Arbatax. C'est des pécassiennes du pouvoir. Qui vous a dit ça? Et quand vous l'aurez plus ce pouvoir, vous savez où vous allez vous retrouver? Dans la merde, c'est votre élément la merde. Je ne sais même pas ce que c'est. C'est des mouches à merde. Et maintenant, un petit peu de musique. Musique. Musique. Musique. Musique. Musique. Musique. Est-ce que tu crois que le festival Couleur Café, c'est que pour les enfants ou c'est que pour les adultes? C'est pour qui, c'est délicieux? Couleur Café. Ah, c'est pour moi. Ah. Couleur Café. Ce n'est que pour les enfants. C'est que pour les enfants ou c'est que pour les adultes? Les adultes et les enfants. Les adultes, c'est pour tout le monde? Oui. Est-ce que t'as vu des copines à toi ici? Est-ce que tu connais non, des gens? Non, j'ai pas vu. Non, personne? Ils sont à l'école. Ils sont à l'école? Même le dimanche? Aujourd'hui, on est dimanche? Ils sont pas à l'école, tes copains? Non. On est dimanche. Bah oui. Tu connais une chanson de Cille? Non. Non? Je connais une souris verte. Comment c'est ton prénom? Marc. Marc. Est-ce que t'as dansé? Est-ce que t'as dansé? Ouais. Plus que ta maman? Non. Moins? Ouais. Tu penses qu'elle danse mieux que toi? Non. Et une réaction de la maman? Merci mon fils. Sympa. Solidarité pour ta maman. Merci. Là ici, il y a ta sœur, comment tu t'appelles? Camille. Camille. Oui. Enchantée Camille. Peux nous raconter ce que tu as vu tout cet après-midi? On a vu Hocus Pocus, Irma. Ouais. On a été un petit peu au dance club. Au dance club? Toi t'aimes bien danser toi? Non. Oh non, t'aimes pas danser? Non. Alors pourquoi t'as été au dance club? Maman elle a dansé. Ah c'est maman qui a dansé. Après vous allez faire quoi après? Bah on va aller manger. manger, puis après on va aller bouger un petit peu. Ok, c'est cool. Et si nous à la radio, dans l'émission, on doit envoyer un morceau qui est passé cet après-midi, une chanson, laquelle tu veux qu'on passe? T'as préféré de toute cet après-midi que t'as entendu? Hocus Pocus. Laquelle? Tu connais un titre? Non. Tu te souviens une chanson où il chantait? Pas forcément. Ok, c'est pas grave. C'est le même. Toi aussi, c'est Hocus Pocus que t'as préféré? Ouais, mais je connais pas ses chansons. Ah, il a jumpé, hein. Ah ouais. Il a jumpé. Sincèrement, il a bien fait ça. Super. Ouais. Super. Merci beaucoup. Ouvrez les cœurs, lâchez les pauvres, libérez vos instincts, tout le monde, car c'est le zoo. Ouais, c'est le zoo. Yeah, come on, yeah. Les bêtes ont déserté le zoo. Et le domicile à deux pas du micropore. À la vieille rue, ici t'as du choix. La ville prend des allures de réserve naturelle. Et les instincts se réveillent partout, ça sent le faux. Pas mal d'espèces en voie d'extinction. Ça chasse l'étranger et les pauvres sans distinction. On stop tout ce qui gêne en éclat-pied. Paradoxe, car on les vire des cages d'escalier. Un regard VIP se fait des dents sur un pigeon. Et un pigeon chie sur une VIP. Ta poule t'appelle devant tes potes et ça fout les boues. T'as volé un œuf et tous les poulets dessous. Trop d'animaux et trop d'animosité. Demande à nos et il anime le JT. Je vis comme un ours et je travaille comme une limace. Mais on apprend pas au vieux singe à faire la grimace. La vie est un zoo. Ma vie est un zoo. La vie est un zoo. Je vis dans un doc national géographique, entouré de langues de vipères liotrophiques, de rimes instinctives, non rien de tragique. Hocus pocus, rien de magique. Odeur bestiale, voire aérophagique. Une meute de chien assoiffé de sang. Lâché sur scène et c'est le boxon. Du corbeau fan de The Cure au polo crocodile, du nid douillet jusqu'au crotodile. On réunit les espèces, ça aboie et ça miaule. Parfois ça parle anglais comme vache espagnole. Ça braconne sur les ondes, ça racole à base de vues plongeantes et de boules blondes. Ça se répand même sur les chaînes hertziennes, à vue d'œil comme une maladie vénérienne. Trop de moutons en élevage intensif, quitte le troupeau vite si t'entends ce dit. Il est un zoo. La vie est un zoo. Ma vie est un zoo. La vie est un zoo. Yeah, ça fait trop de chiens, trop de rats, trop de gorilles jouent les gros bras. Les peu trapaces finissent dans de beaux draps. Les jeunes loups se font justice façon œil pour œil. Les vieux loups font fructifier leur compte écureuil. Les fourmis disent de shit pendant que les cigales brèlent. Les pigeons font des hits et les requins encaissent le chef. Me méfie des carnassiers aux souris figées. Non, non, je suis pas bête, t'inquiète, j'ai piégé. La vie est un zoo. C'est Radio Panique, c'est 105.4, c'est Tortoli et Arbatax. C'est une forme de virus, genre Ebola. C'est formidable. Est-ce qu'on peut t'interviewer? C'est pour la radio. Ah, tu as du tape sur la bouche, quoi. Non, il n'y a pas fait d'expression, en fait. T'es censuré, on censure tes propos. Non, ça c'est un oui, c'est un oui. Pourquoi ? Attends, il écrit sur son téléphone, attends. Je suis pour... Pourri ! Non, je suis pour la... Je suis pour la liberté des d'expression pas assez exploitée. Il écrit vite. Je suis pour la liberté d'expression pas assez exploitée, même ici à Couleur Café. Le mot de la fin. Nyarkana qui était en live ce dimanche à Couleur Café et voilà qui a enflammé la scène Titan ou Univers, peu importe, elle a enflammé. Vous écoutez Tortoli Arbatax, c'est la spéciale Couleur Café, la rétrospective. Et vous allez avoir le droit à une meilleure qualité de que Nyarkana dans quelques secondes. Tu peux compter jusqu'à 3. Encore. Voilà. La rage, on restera debout quoi qu'il arrive. D'aller jusqu'au bout et là on veut bien. nous vient de Créteil. Il aime la philosophie, la musique techno et Montaigne. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous demande d'applaudir. Tortoli et Arbatax, c'est Radio Panique. C'est 105.4, c'est formidable. Qu'est-ce que t'as vu d'autre? Qu'est-ce que t'as vu d'autre? Nicole Ciafacoli. Une chanson par exemple, ouais, ouais, c'est pas mal. Ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières, laissez-nous passer. Bon, à cappella, c'est juste un refrain. 1, 2, 3. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières, laissez-nous passer. Oh, oh, oh, oh, commence pas de désagréable, hein. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Boum, boum, boum, boum, tchèque, tchèque, tchèque. Mais c'est un cauchemar. Chaque année, l'été comme l'hiver, et nous on vous reçoit toujours les bras ouverts. Vous êtes ici chez vous, après tout peu importe, on veut partir alors, ouvrez-nous la porte. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Du Cap à Gibraltar, nous sommes des milliers à vouloir comme vous, venez sans rendez-vous. Nous voulons voyager et aussi travailler, mais nous on vous a pas refusé le visa. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Nous aussi on veut connaître la chance d'étudier, la chance de voir nos rêves se réaliser. Encore un beau métier, pouvoir voyager, connaître ce que vous appelez liberté. Que nos familles ne manquent plus de rien. On veut avoir cette vie où l'on mange à sa faim. On veut quitter cette misère quotidienne pour de bon. On veut partir d'ici quand nous sommes tous en train de péter les plombs. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Laissez-nous passer. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Oh. Y'a plus une goutte d'eau pour remplir notre sort. Ni même une goutte de pluie, tout au fond du puits, en levant très vite, sur le chemin de l'école. Un beau jour, il décide de prendre son envol. Nanana. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Laissez-nous passer. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. La musique dans la peau. Qu'est-ce que c'est, mais c'est bonbon. Oh, la musique dans la peau. Castoriez, c'est bonbon. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. J'ai lu dans je sais plus quel magazine que... En Belgique, 10% de la population est exclue du jeu de la société. Mais c'est un cauchemar! Vous réagissez négativement! Et le tiers-monde, vous en faites quoi? C'est une bonne question. D'écouter Radio Panique. Sur place ou emporté? D'écouter Tortoli et Arbatax. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Agissons ensemble contre l'analphabétisme. C'est quoi vos prénoms? Caroline. Caroline. Marie. Marie, enchantée, Arbatax. Enchantée. Vous avez vu tout le concert là? Quasi, on vient d'arriver. Non, sans déconner. Ouais, ça vous savez comment ça s'appelle? Non, même pas. Merde, ça s'appelle Merdan ta plaque. On a entendu de loin et ça avait l'air super bien, donc on est venu ici. Et vous avez vu un morceau au moins? Un morceau. C'était super, grand. Super, ça avait l'air super chouette. Et si vous deviez expliquer à vos copines ou vos copains en quoi ça consiste? Viens voir. Comment ça se... Prochain concert, il faut venir danser, c'est terrible. Check it out now, the funk soul brother. Right about now, the funk soul brother. Check it out now, the funk soul brother. Check it out now, the funk soul brother.

Alors tu dis Tortoli et Arbatax sur Radio Panique, ça déchire. Un truc comme ça. Tu peux me le dire ça? Tu peux me le dire? Vas-y, je te laisse faire. Bah les gars, super soirée, cool café, excellent, quoi. Tout ce qui se passe, bien, bon monde, bonne ambiance, excellent, excellent. Et Tortoli et Arbatax. Et Arbatax, moi je peux que dire que c'est excellent. Je crois qu'avec ça tu vas cartonner. Hein. Hey, si t'as pas si avec ça on cartonne, voilà. Ah, je te laisse mon numéro, tu m'appelles. Ah. Et moi je te trouve des numéros, des spéciales. C'est cela, oui. Oui. Ça fait plaisir. Bloggy Mat, mais excellent. Déjà moi je suis fort. C'est cela, oui, oui. Mais je connais du excellent. C'est cela, oui, oui. C'est cela, oui, oui. Voilà, c'était une rétrospective de l'émission. Pas trop. Pas trop. Pas trop. Si, si. Rétro-trospective. Ah, très bien. Yes, I. Bon, bah ouais, c'était pas mal. Franchement, là, ça m'a remis dedans. J'ai une petite acidité qui remonte limite dans l'œsophage. Ça, ouais. C'est les mojitos. Faut pas les prendre cul sec. Voilà, bah en tout cas, merci à tous ceux qui ont accepté de se faire enregistrer. Dans le désordre, on peut donner les noms. Ah oui, bien sûr. Il y avait la petite Juliette, la petite Lana, il y avait Nicolas, il y avait Romano. Voilà, Marc, Brigitte, la petite Camille, il y avait Louise. Brigitte, bien sûr, un Brigitte. Spécial big up à Brigitte. Brigitte, gros big up. On sait qu'elle est en train de nous écouter en ce moment. Brigitte, qui contrôle les badges à l'entrée de l'espace VIP. De l'espace VIP. De l'area VIP. VIP area. Voilà, et puis bon, voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir. J'espère que Couleur Café et cette émission vous ont fait plaisir. Tout ça, c'est à retrouver sur Facebook. On va mettre le podcast, etc. Sur Facebook, pas de problème, on met la playlist, on met tout. Et puis voilà, que dire, on peut rappeler l'expression de la semaine qui est toujours en cours et qu'on va clôturer maintenant. C'était une émission il y a deux semaines, la dernière fois qu'on a fait une expression de la semaine. Je vous rappelle qu'il y avait Tortoli, si tu te souviens. Ouais. La mienne. Ouais, la tienne. C'était ça. Quenelle de 175. Exact, ah. Exact. Quenelle de 175. Moi j'avais. Toi la tienne c'était quoi? Patibulaire. Patibulaire. Patibulaire, okay. Et on avait l'amigo Dr Quest qui officie sur Panique aussi, qui avait proposé esthétique, pratique et léger. Bah, figure-toi que ça a récolté une voix quand même. Ce qui est pas mal. Ah, ce qui est excellent. Ce qui est excellent quand même. Et voilà. Et en fait c'est Patibulaire qui remporte les suffrages. Voilà, avec. X voix sur Facebook voilà, n'hésitez pas à aller consulter ça. On s'en refait d'autres durant l'été, des expressions de la semaine, pas de souci. On se refait des émissions durant l'été. On bien vous sûr. Tient au jus. Il y aura peut-être un petite session reportage du côté de Dour, du peut-être. Festival de Dour. Voilà, ouais, exactement. Mais voilà. Ça, tout ça, c'est vraiment à checker, à vérifier sur le Facebook, sur radiopanique.org. On va vous balancer toutes les infos semaine par semaine. Vous allez vivre nos vacances de l'intérieur. Oh, ça va être, moi qui avais toujours esquivé ça, Tortoli. Ça va être bien acide. Vivre tes vacances de l'intérieur. Ça va être bien acide. Waouh. J'espère que t'achètes du Smecta pour cet été. Pas de soucis, on sortira ça. Et voilà quoi. En tout cas, on ne vous lâche pas. Pas de problème, on se tient au jus. Et puis tout de suite. On se quitte avec un classique quoi. Voilà, une sorte de classique. J'allais justement rappeler juste avant que vous avez rendez-vous maintenant sur Radio Panique avec G-Boutique. G-G-I-B-O-T-O-C-I-C-K. Yo. C'est ça. Et puis voilà quoi. Et puis avec cette chaleur là, cette chaleur café. On va se quitter sur un petit dubbing qui avait clôturé le festival dimanche soir. Voilà, ça s'est bien passé pour dubbing, hein, globalement, ça s'est bien passé. C'était une bonne performance. Oui, ils étaient contents de leur chambre d'hôtel, ça a été. Voilà, non mais ceux qui ont assisté au concert d'IAM, par exemple, savent qu'il y avait un petit souci technique. Voilà, je dis que pour dubbing, il n'y a rien eu. Voilà, ils ont été chanceux, il n'y a rien eu. Et ils ont fait un featuring avec Omar Perry, le morceau s'appelle Acha. À tes souhaits. Et. Oula, c'était pas T'as pas un mouchoir ça. Et voilà, le morceau s'appelle Acha, on se quitte là-dessus. Ça fait office de classique de la semaine, ça fait plaisir. Rendez-vous sur le Facebook de Tortoli Arbatax ou sur le site internet de Radio Panique, radiopanique.org. À vous, G-Boutique. Au revoir, Arbatax. Merci, Tortoli, bonnes vacances. Ciao, toi aussi. Ciao. N'oublie pas les Smecta. Together. them a try. Jah know them abuse it. Hey, what you do? Try to abuse it. Just to give you blessing, you know why I use it. Boy, hey, your mind you lose it. Better choose it. Hey, hey, can't stop it. Play the reggae music and Jah know them can't stop it. Inna the ghetto watch you, them a rock it. All of the girls, Jah know them a flock it. Yo, the venue so loud, them a hear it. Watch all the youth and Jah know them a share it. Ha, statement makes you come clear it. Ha, watch all the youth, them fear. Wenn der Herr uns der Mille lau, hey, hey, ist der Adura. Schau zu Gäger, make this order, hey, hey. Agni Adura, wenn der Herr uns der Mille lau, hey, hey, ist der Adura. Dance together, move together. Bock sei, jusqu'au bout du monde. Schau, wach sur le son, pour flotter sur toutes les ondes. Yo, just no mat, des bourses chacun sa voix. International rythme qui mette comme une bombe. Boom, 3 MC, 5 échos, mais il n'y a qu'un seul constat. Le son n'a pas de frontières, je traverse tous les états. Devine qu'on pouvait chanter tous la même voix. Mélange explosif qui va faire des dégâts. Oh oh oh oh. On ne connaît pas les piquets. N'en doute mais alors. On le vire alors. Et t'y m'a bouffé. Pour les MC, yo. Les sélecteurs, les DJ, start mixing again. Les mantis avant dans les dance hall party, les pop show. C'est la même ghetto story, yo. Coudez la vibe, c'est la connexion et fire. Appelle des standards de Jamaïca. Ou ma mashup le show, faut brûler le micro. De Big Family, de mashup le tempo. Je prierai d'avenir à ça. Je prierai d'avenir tout long. Mais